passe sa vie à s'excuser auprès des gens qui la piétinent. Elle laisse sa colère infuser et reste droite dans ses bottines. Elle porte une couronne d'épines assortie à son tailleur bleu. Elle sort le soir pour oublier un peu son corps qui s'offre au précipice, n'est retenu que par ses bras. Remonter serait un supplice, mais comme c'est dur de rester là. Bien sûr, il ne faut rien lâcher, mais il faut aussi se détendre. Un verre ou deux lui permettent d'attendre. Zoé, tranquille, baisse la tête, remet de l'ordre dans ses cheveux. Zoé, l'alcool la rend distraite. Parfois même elle rêve qu'elle va mieux. Et elle pleure quand il pleut. Stone dans ses rues, personne ne freine jamais. Et pourtant elle espère quand même qu'un jour quelqu'un viendra lui dire: je me demande bien comment j'ai pu faire pour penser vivre sans que tu me sers. Mais à trop scruter l'horizon, elle a dû s'abîmer la vue. Maintenant elle cherche à tâtons une porte de secours, une issue, qu'importe. Pourvu que dehors les nuages soient un peu moins gris, le temps un peu moins long aussi. Zoé, tranquille, baisse la tête, remet de l'ordre dans ses cheveux. Et elle pleure quand il pleut. Zoé, l'alcool la rend distraite. Parfois même elle rêve qu'elle va mieux.